Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Saboter l'interrupteur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette pingouche dès cet orage avant l'été, sale chupie de petite sœur? Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais la virer de la récré, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Je vais lui donner de la fessée, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cet héritage qui se baigne, qui se terre dans le tiède de tes reins? Je vais la priver de dessert, lui faire mordre la poussière de tous ceux qui n'ont plus faim. Prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. De tous ceux qui n'ont plus rien. Prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Dites-moi que vous la science a quand ce pont. Change de couleur, je vais prendre ta douleur. Je vais jouer au docteur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Dites-moi que vous la science a quand ce pont entre nos pensées. Tu as mal là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je Présentation de la danse officielle pour ta douleur.